Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence le cours 124 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc dans la partie du livre où le cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne des karamat, des awliya, des karamat, c'est-à-dire des genres de miracles, des prodiges que les hommes pieux ont fait. Et il mentionne des exemples, il a mentionné des exemples des sahaba, après il a mentionné des exemples des tabi'in, et là on est en train de lire de ces exemples-là. Donc, on continue avec cet exemple. Au dernier cours, il avait parlé d'un d'entre eux, Wasilatun ibn Ashyam. On avait mentionné un exemple à son sujet. Et là, il mentionne un autre exemple. Il dit, Waja'a marratan bil ahwaz, fada'a Allah azza wa jal, wastat'amahu, fa waqa'at khalfahu dawkhala. دوخلت رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع فولى الأسد له زئير فولى الأسد Walahu za'irun. Donc ici le cheikh il explique ad-dawkhala yani safifatun min khusin. OK, donc le cheikh il explique qu'à un moment donné. Donc c'est la même personne, Wasila, Wasilatun ibn Ashyam. Il avait faim. Un jour il avait faim. Alors il a fait un dua. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le nourrir. Il a demandé de la nourriture à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il a entendu derrière lui quelque chose tomber. C'est comme un genre de un paquet avec des dates dedans. Et c'était entouré avec un vêtement de soie. Et il a entendu ça tomber derrière lui. Quand il s'est tourné, il a trouvé des dates dans un vêtement de soie. Donc il a mangé les dates et sa femme a gardé le tissu de soie pendant un long temps, un long moment. Et Cheikh Al-Fawzan dit à ce sujet-là, il dit Ad-dawkhala wa hiya al-wi'a'u min al-khaws. Khaws al-nakhl. Yudha'u fihi al-tamar wa ghayrihi. Wal-ghalibu annahu yudha'u fihi al-tamar. Falamma ja'a hadha al-wali, da'a Allahu an yut'imahu. Fa'atadhu dawkhalatun fiha al-tamar. Aw fiha al-ta'am. Fa'akala minha wa ma'aha harir. فأعطاه لزوجته لأن الحرير لا يحل للرجال وبقي الثوب عند زوجته تلبسه مدة وفيها من كرامات الأولياء. Donc ici le cheikh il explique que Dawkhala c'est un contenant fait à partir de quelque chose qui vient du palmier et on met des dates dedans et en général c'est pour mettre des dates. Donc il dit que il avait faim, c'était un homme pieux, un saint, un homme rapproché d'Allah, il avait faim, il a invoqué Allah, il a dit, donne-moi de la nourriture, donne-moi quelque chose à manger. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette chose-là tombe derrière lui. Alors, il y avait des dattes dedans, il les a mangées, et il y avait un tissu en soie. Et le cheikh, il explique qu'il a donné ce tissu-là à sa femme parce que les hommes n'ont pas le droit de porter de la soie. Alors, il a donné ça à son épouse et ce tissu est resté un bon bout de temps avec sa femme, elle le portait. Et ça fait partie des exemples des karamat, des awliya. Un autre exemple que le cheikh il mentionne ensuite, il dit que un jour il y a un lion qui est venu vers lui alors qu'il était en train de prier pendant la nuit. Le lion s'est approché. Et lorsqu'il a terminé sa salat, il a fait son taslim. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Il a parlé au lion. Et il a dit au lion, cherche ta subsistance ailleurs. Alors le lion s'est en allé. Le lion est parti. Subhanallah. Donc il dit, le cheikh al-Fawzan, wa aydan takarrara. ما يقع منه من أولياء الله مع أولياء الله ومنها هذه القصة أنه جاء إلى صلة donc il s'appelle pas Wasila, il s'appelle Sila, donc Silat ibn Ashyam, et il était en train de faire la salat il était entouré dans un endroit entouré d'arbres, يعني في غيضة يعني أشجار ملتفة, donc il était dans un genre de buisson, en fait derrière un buisson. Et il dit, يعني فلما سلم يعني الأسد لم يمس المصلي لم يمس المصلي حتى سلم يعني فلما سلم قال له التمس الرزق من غير هذا الموضع فذهب. وهذا من كرامات الأولياء, ويجد رجلا ليس عنده أحد وهو جائع ثم يتركه ويولي. Donc il dit, le cheikh, que cette personne, ce wali, qui s'appelle Sila, quand il a fini sa salat, le lion il l'a pas touché jusqu'à ce qu'il fasse le taslim. Et quand il a fait le taslim, il a parlé au lion, il lui a dit, cherche ton risque ailleurs. Alors il est parti. Le lion est parti. Et ça fait partie des prodiges et des miracles des hommes pieux. Allah subhanahu wa ta'ala les protège, ces gens-là. Et ça, c'est un exemple comment il protège ces gens-là. Des fois, quelque chose peut arriver comme un danger qui arrive à quelqu'un, dans une situation. Puis, les gens ordinaires, ils diraient, c'est fini pour cette personne. Il y a pas moyen que cette personne-là soit sauvée. Il n'y a pas moyen que cette personne-là arrive à se sortir de cette situation-là. Puis, il fait un doua à Allah et il invoque Allah, et puis Allah subhanahu wa ta'ala le sauve d'une façon que personne n'aurait pu même imaginer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne toujours son support à ses serviteurs pieux. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là, justement? Et le lion est parti, il l'a laissé. Et imaginez, le cheikh il dit, regardez, ça fait partie des miracles, des karamat, des awliya. Parce que cet homme-là, le lion est venu, il n'y avait personne d'autre avec lui, et lui il avait faim, et il est parti, le lion il l'a laissé. Et ça, donc ça fait partie des karamat, on appelle ça les karamat. Un autre exemple, il dit, « Wa kana Sa'id ibn al-Musayyib fi ayyam al-harra » يسمع الأذان في من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات وكان المسجد قد خلا فلم يبقى غيره. Donc il dit, et ça fait partie des exemples, Saïd ibn al-Musayyib, qui fait partie des tabi'in, si je ne me trompe pas, et c'était à l'époque de des batailles ou des combats qu'il y avait entre les gens à l'époque. Il y avait une fitna. On les a appelés Ayyam al-Harra. Les jours de Al-Harra. Al-Harra, c'est les roches volcaniques qui sont autour de la ville de Médine. À l'est et à l'ouest, on appelait ça Al-Harra. Il y a Al-Harra al-Sharqiyya Wal-Haratul Gharbiya. Et donc, ces régions-là, c'était des endroits complètement couverts de roches noires, des roches volcaniques pointues, coupantes. Personne ne pouvait passer par là. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Harra. Et au moment de cette fitna, Saïd ibn al-Musayyib, lui qui était dans la mosquée du prophète à Médine, parce que c'est à Médine cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il entendait le adhan de l'endroit où il y avait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était à chaque fois que c'était l'heure de la prière, il entendait dans la tombe un adhan. Et la mosquée à ce moment-là était vide, il n'y avait plus personne, il n'y avait que lui. Parce que c'était la période de la fitna. Donc ici, le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit, « Wa kana Sa'id ibn al-Musayyib, imam al-tabi'in al-makhzoumi, radiyallahu anhu, ahadu al-fuqaha al-sab'a, mashhuran bil-ilm. Wa kana lamma waqa'at al-harra, wal-harra hiya waqa'atun ghaza fiha jayshu yazid, ahla al-madina. Lianna ahla al-madina kharaju ala yazid ibn mu'awiyah, وقد أخطأوا في هذا لأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر فغزاهم بجيش تسلط عليهم وفتك بهم فتك ذر يعني فتك ذريعا وبالغ في الانتقام وابن عمر رضي الله عنه اعتزل الفتنة ومنع أولاده أن يشاركوا فيها ويرى بيعة يزيد في أعناقهم ونهاهم عن الخروج عليه فلم يقبلوا كانت العاقبة ما حصل وقعة الحرة المشهورة عقوبة لهم كذلك سعيد بن المسيب اعتزل في المسجد ولم يبقى فيه غيره والمسجد لا يؤذن فيه في تلك الفترة لكنه كان يسمع آذانا من جهة القبر النبوي فهذه كرامة من كرامات الأولياء والآذان هذا لأجل أن ينبهه على دخول الوقت. Donc le cheikh il explique ici que Saïd ibn al-Musayyib, c'est un des imams parmi les tabi'in, les élèves des sahaba. Et il est de la tribu de Bani Makhzoum. Donc, c'est les Makhzoumi. OK? Et, yani, il est un parmi les sept grands fuqaha de Médine. Il fait partie d'un des sept grands fuqaha de Médine. Et il est célèbre pour la science, Saïd ibn al-Musayyib. Et lorsqu'il y a eu la bataille de Al-Harra, et Al-Harra, c'est une bataille qu'il y a eu à l'époque. Et c'est l'armée de Yazid ibn Muawiyah qui a attaqué les gens de Médine. Pourquoi? Parce que les gens de Médine s'étaient rebellés contre lui. Et c'était lui le dirigeant, Yazid ibn Muawiyah. Alors, ils ont fait une erreur dans ça. Ils s'étaient trompés dans le fait de sortir contre le dirigeant, parce que de sortir contre le dirigeant et de se rebeller contre lui, c'est interdit dans l'islam. Alors, Yazid ibn Muawiyah les a combattu les gens de Médine de l'époque parce qu'ils s'étaient rebellés. Et il les a matés et il a exagéré même parfois dans la vengeance contre eux. Et justement à ce sujet-là, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar, Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, lui quand il a entendu que ces gens-là voulaient se rebeller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté. Il est parti, il s'est éloigné de la fitna. Il a pris ses enfants et il leur a interdit de participer à cette fitna. Et il est allé voir même les gens qui voulaient faire la fitna et qui voulaient se rebeller. Il est allé les voir en personne et il leur a dit, hein, parce que quand il est venu, on lui a comme roulé le tapis, hein, pour l'honorer, pour montrer son respect. Et il a dit, assis-toi avec nous. Ibn Omar, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je ne suis pas venu pour m'asseoir. Il dit, je suis venu juste pour vous dire un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith qu'il leur a dit, si je me souviens bien, c'était le hadith dans lequel il mentionne que au jour de la résurrection, les gens qui ont trahi leur allégeance à leur dirigeant, on va leur ériger un drapeau au jour de la résurrection. pour qu'ils se rassemblent autour et on va dire, ça, c'est le drapeau de ceux qui ont trahi leur dirigeant. Et il leur a dit ce hadith-là, puis il est parti. En voulant dire, moi, j'ai rien à voir avec vous, j'ai rien à voir avec cette fitna, et je ne veux pas participer. Et il a interdit à ses enfants d'y rentrer aussi. Parce que lui, il considérait que la bay'a au dirigeant, à Yazid, c'était une obligation, il devait le respecter, et que ça pesait sur eux de garder cet engagement-là. Et il leur a donc interdit de se rebeller, mais ils n'ont pas accepté sa nasiha, n'ont pas accepté son conseil. Alors, le résultat et la conclusion, ça a été qu'il y a eu cette bataille à Médine, hein, et que beaucoup d'entre eux, justement, ont été punis et ont été châtiés à cause de leur rébellion. Et parmi les ulama de l'époque qui, justement, eux aussi, s'étaient écartés de la fitna, il y a ce savant-là, ce grand tabi'i, Saïd ibn al-Musayyib, qui, lui, s'était écarté de la fitna et est resté isolé dans la mosquée. Il est resté isolé dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne d'autre que lui qui était resté là. Et il n'y avait donc pas de adhan. Il n'y a personne qui faisait l'adhan, puisqu'il n'y a personne dans la mosquée. C'est ça le résultat de la fitna. Hein? Quand il y a de la fitna, il n'y a plus rien qui peut être établi de la religion. Alors c'est ça le danger de la fitna. Et donc, malgré qu'il n'y avait pas d'adhan dans cette période-là, eh bien lui, il entendait le adhan de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque prière. Et ça fait partie donc des karamat, hein, des awliya, puisque c'était pour lui faire savoir à quelle heure le temps de la prière commence. Donc, ça, c'est un exemple de karama aussi. Le cheikh, il donne d'autres exemples encore. Il dit, وَرَجُلٌ مِنَ النَّخْعِ كَانَ لَهُ حِمَارٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فقال له أصحابه هلما نتوزع متاعك في رحالنا فقال لهم أمهلوني هنيئة ثم توضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين ودعا الله وأحيا له حماره فحمل عليه متاعه سبحان الله. Ça, c'est un autre exemple. Hein? Et cet exemple-là, c'est un exemple qui est arrivé. Le nom de la personne, c'est Nabita ibn Yazid al-Nakhai. Il a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a combattu à l'époque du khilafa de Omar, radiallahu anhu. Donc, il s'appelle Nabata. Nabata. Et il raconte dans cette histoire qu'il avait un âne, Nabat, hein, il avait un âne, et son âne est mort en chemin, ils étaient en voyage. Alors ses compagnons ont dit, donne-nous tes affaires, les affaires qui étaient sur ton âne, on va se les séparer pour que chacun d'entre nous on porte une partie de qu'est-ce que tu avais pour t'aider. Hein? Alors, lui, il a dit, donnez-moi un petit répit, un instant, attendez. Alors, il est parti, il a fait le wudu. Et il a fait son wudu bien comme il faut. Il a fait deux rak'a et il a invoqué Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait revivre son âne à ce moment-là. Alors, il a remis ses affaires dessus, puis il est parti. Hein? Donc ça, c'est des exemples des karamat, encore une fois. C'est ça. Le karamat, c'est comme un genre de miracle, mais pour autre qu'un prophète. C'est pour quelqu'un qui suit le prophète, il fait une karamat. On le traduit des fois aussi par prodige. Hein? Les prodiges des hommes pieux et des serviteurs rapprochés d'Allah. On appelle ça des karamat. Wasila. Mais pourquoi le cheikh il mentionne ça? C'est pour montrer la différence entre les vrais karamat des awliya et les tours que les faux awliya, les shayatines, ceux qui font des tours de sihr, de la magie, de la sorcellerie, et ils font croire aux gens que ça c'est des karamat. Alors qu'en réalité, c'est de la sorcellerie qu'ils font pour tromper les gens. Wasila, il fait partie des awliya, des hommes pieux. Mais il y en a. C'est pas Wasila, pardon, c'est Sila. Oui, son nom c'est Sila. Et Saïd ibn al-Musayyib, celui qu'on a mentionné. Et il y en a d'autres. De toute façon, ceux que tu. Si tu n'avais pas écouté les cours précédents, tu vas les trouver, Inch'Allah, dans les enregistrements. Ok. Un autre exemple que le cheikh il a mentionné ici, cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là, il dit Na'am. وهذا مثل قصة صلة ابن أشيم السابقة أن الله أحيا له حماره وأغناه عن الناس لما دعا الله عز وجل أن يغنيه عن منة الناس فأغناه الله وأحيا له حماره حتى وصل إلى مقصوده. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit ça, cet exemple-là, c'est un peu semblable à l'histoire de Sila ibn Ashyam qu'on a lu tout à l'heure, et dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avait fait revivre son âne. Ça, c'est l'exemple qu'on avait lu avant, au cours précédent, pas le cours précédent, pas aujourd'hui, le cours précédent. Et le Cheikh, il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il n'ait pas besoin de demander l'aide des gens. Hein? Lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargné de devoir une faveur à quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargné de ça et il a fait revivre son âne jusqu'à ce que yani, il arrive à son objectif ou à son but. Un autre exemple, il dit وَلَمَّا مَاتَ أُوَيْسَ الْقَرْنِ وَجَدَ أو وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. Donc Ouays al-Qarni, c'est un parmi les tabi'in. Il est très connu. Il est très connu parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné son nom à l'époque. Il avait mentionné à Omar ibn al-Khattab et à d'autres compagnons qu'il y allait y avoir un homme qui va venir du Yémen. Et son nom, c'est Ouays al-Qarni. Il a dit, il est pieux et il est un homme obéissant à sa mère. Il a dit, si jamais vous le rencontrez, demandez-lui de faire un dua pour vous. Parce que son doua est exaucé. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il est arrivé, quand il y a eu un groupe qui est venu du Yémen, alors quand il est arrivé, Omar ibn al-Khattab, il l'a cherché. Il a dit, est-ce que parmi vous, il y a un homme qui répond à telle caractéristique et qui a tel nom? Ils ont dit, oui, il est avec nous. Alors, quand Omar ibn al-Khattab l'a trouvé, il lui a dit, hein, fais un doua pour moi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on te rencontre, de te demander de faire le doua pour nous. Alors il a fait doua pour lui. Et l'histoire qui est mentionnée maintenant, c'est à propos de Ouays al-Qarni, justement. Et dans cette histoire, il mentionne que. Yani, au moment de sa mort, quand il est mort, ils ont trouvé qu'il y avait sur lui un vêtement pour l'envelopper. Pour l'envelopper. Parce que quand quelqu'un meurt, on l'enveloppe dans un linceul, hein, dans un tissu. Eh bien, ils ont trouvé au moment de sa mort ce linceul-là, alors qu'il n'avait pas de linceul auparavant. C'est comme si le linceul est apparu sur lui au moment de sa mort. Et non seulement ça, mais ils ont trouvé un trou déjà creusé dans un rocher. Alors ils l'ont enterré là, dans ça. C'est pour dire, Yanni, que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait fourni tout ce qu'il lui fallait pour justement faire sa janaza sans qu'ils aient à faire d'efforts ou quoi que ce soit. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit: Ouais, Al-Qarni, sabaka dhikru, wa huwa min awliya illah, min at-tabi'in, min ahli al-Yaman, wa kana mujabu ad-da'wa, wa kana barran bi ummih. أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي إلى المدينة، فمن استطاع أن يدعو له فليفعل. فلما جاء معهم، فعلم به عمر رضي الله عنه، فبحث عنه حتى أدركه، فطلب منه أن يستغفر الله له. فهذا ويس القرن من أولياء الله. لما مات وجدوا معه أكفانا لم تكن معه في حياته، ثم لما ذهبوا به ليدفنوه وجدوا قبره مجهزا، لم يحفره أحد، فدفنوه فيه. هذا من كرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم. Donc exactement ce que on avait mentionné à propos de Ouays al-Qarni, qui fait partie des Tabi'in, qui vient du Yémen, qui était obéissant envers sa mère, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé à son sujet et il avait demandé justement à celui qui le rencontre de lui demander de faire un doua pour lui parce que son doua est exaucé. Et Omar, il l'a rencontré et lui a demandé de demander pardon à Allah pour lui. Et il faisait partie des awliya, et lorsqu'il est mort, ils ont trouvé avec lui un linceul qu'il n'avait pas durant sa vie, et ils sont allés l'enterrer et ils ont trouvé que sa tombe était déjà prête. Ils n'ont même pas eu à creuser. Donc ça fait partie des karamat et awliya aussi. Wakana Amr ibn Uqba ibn Farqad yusalli yawman fi shiddat al-har fa'adhallathu ghumama wakana as-sab'u yahmihi wa huwa yar'a rikab ashabihi لأنه كان يشترط على أصحابه أن يغو كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. Donc ici le cheikh il dit Amr ibn Uqba ibn Farqad faisait la salat dans la chaleur, hein, dans un jour très chaud. Il faisait chaud, il était dans la chaleur et il faisait sa salat en plein soleil, faisait la salat. Et bien, il y a un nuage qui est venu se placer juste en haut de lui, juste en haut de sa tête, pour pas qu'il se fasse griller par le soleil. Il dit, وَكَانَ السَّبْعُ يَحْمِي. Il dit, même les bêtes sauvages, les animaux sauvages, ils le protégeaient. Les bêtes sauvages le protégeaient, alors que lui, il surveillait les montures de ses compagnons, parce que lorsqu'il partait dans une expédition militaire avec ses compagnons, il donnait comme condition que c'est lui qui devait les travailler et les servir. Donc il dit, je pars avec vous à condition que c'est moi qui vous sers, c'est moi qui travaille pour vous. Hein, il voulait servir les autres. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit: وهذا الولي من أولياء الله عمر بن عقبة ابن فرقد وهذا من أولياء الله كان يغزو في الجهاد في سبيل الله وكان يقوم يصلي في شدة الحر في النهار في شدة الصيف فتظله سحابة في السماء وكان يحرس دواب الغزاة ويشترط عليهم أن يخدمهم والسبع لا يجرؤ أن يقرب المعسكر وكان كل هذا من كرامات الولي من أولياء الله. Donc c'est ça. C'est un parmi les awliya d'Allah, hein, qui faisait souvent le jihad fi sabilillah, et il se levait pour prier en plein soleil, en plein été, et les nuages se mettaient au-dessus de lui pour le couvrir, et il surveillait les bêtes, hein, les montures des combattants, et il mettait comme condition que c'est lui qui devait les servir. Et les animaux sauvages, les bêtes féroces, elles n'approchaient pas de lui. Allahu alam. Il attend. Son nom, c'est. Attends, on a dit Amr ibn Uqba. Donc, Amr ibn Utba ibn Farqad, c'est un tabi'i, effectivement. Tabi'iyun mashhur. Il est célèbre. Naam. Un autre exemple, c'est l'exemple, il dit wa kana mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir. إذا دخل بيته سبحت معه آنيته وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. Hey, سبحان الله. Donc ici c'est Mutarraf ibn Abdullah ibn Shikhir, Abu Abdullah al-Basri. C'est parmi les awliya. Il est mort en l'an 95 de la Hijra. Et celui-là, quand il rentrait chez lui, dans sa maison, ses contenants, il glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala. Il entendait des contenants qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et il dit que il marchait parfois dans la nuit avec deux de ses compagnons. C'est pas comme aujourd'hui, dans la nuit, aujourd'hui, il y a des lumières dehors. Hein, des lampadaires dans la rue. On voit le chemin. À l'époque, non. Il faisait noir complètement. Et il dit, il marchait avec ses deux compagnons et le bout de son fouet, il avait un fouet avec lui et il y avait de la lumière qui sortait de l'extrémité de ce fouet-là quand il marchait avec ses compagnons. Donc il dit, le Cheikh Wahad Mutarraf ibn Shikhir al-Rawi al-Mashhur. عند المحدثين كان إذا دخل بيته يسمع تسبيح الأواني في بيته والله عز وجل أخبر أن كل شيء يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم ولكن هذا الولي يسمع تسبيح الأواني وكان يسير هو وصاحب له في الظلمة أو في ظلمة فأنار الله لهما الطريق وهذا وقع للصحابة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه في الليل فلما ذهبوا في ظلام الليل أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عصا فكانت تنير لهم الطريق إلى أن وصلوا إلى بيوتهم وهذا من كرامات الأولياء يعني عباد ابن بشر وغيره حصل لهم هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, c'est un savant parmi les rapporteurs de hadith. Et il dit que lorsqu'il rentrait chez lui, il entendait les contenants qui glorifient Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que il y a rien qui existe excepté que yani, cette chose glorifie Allah. Tout ce qui existe glorifie Allah. Sauf que il dit walakin la tafqahuna tasbihahum. Vous ne pouvez pas comprendre leur glorification. Hein? Tandis que ce wali, Mutarrif, lui, il comprenait, il entendait les contenants qui glorifient Allah. Donc ça fait partie des karamat. De même que il marchait parfois dans la noirceur dans la nuit avec ses compagnons. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui éclairait le chemin. Et ça, c'est arrivé à des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque où ils partaient la nuit pour rencontrer le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait donné un bâton pour retourner. Et quand ils marchaient sur le chemin, il y avait une lumière justement qui sortait de ce bâton-là pour éclairer le chemin pour eux quand ils rentraient, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux. Et il y a d'autres compagnons à qui ce genre de choses est arrivé. Ça fait partie des karamat. Il dit ensuite, « وَلَمَّا مَاتَ الْأَحْنَفِ ابْنُ قَيْسِ وَوَقَعَتْ قَلَنْسُوَةَ قَلَنْسُوَةً قَلَنْسُوَةُ رَجُلٍ في قبره ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. Donc il dit, lorsque Al-Ahnaf ibn Qays est mort, Al-Ahnaf ibn Qays, c'était un des chefs de la tribu de Tamim. Et on donnait des exemples avec lui par rapport à son comportement, parce qu'il était doux, il était calme, il était posé. Donc on le citait souvent comme exemple. À cause de ça, il est mort en l'an 67 de la Hijra. Et Al-Ahnaf ibn Qays, lorsqu'il est mort, il y a quelqu'un qui a échappé un vêtement, son vêtement qui est tombé dans sa tombe, comme le trou hein, où on l'a enterré. Pendant qu'il était en train de l'enterrer, il a échappé son manteau ou son chapeau. Il est tombé dans la tombe. Alors, il s'est penché pour le ramasser. Et quand il s'est penché pour le ramasser, il a vu comme si la tombe est devenue vaste, grande. Hein? Donc, ça, c'est comme pour dire, yani, une forme de karam, pour montrer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour les gens qui sont pieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il élargit leur tombe à la distance là où le regard peut voir, c'est-à-dire mudd al-basar. Ça veut dire que la tombe de cette personne devient vaste. Eh bien, ce compagnon-là, quand il est mort, quelqu'un a échappé son vêtement, il s'est penché pour le ramasser, il a trouvé que sa tombe a été élargie. Il dit « وَهَدَ الْأَحْنَفِ بْنُ قَيْسَ التَّمِيمِ مِنَ التَّابِعِينَ » Il fait partie des tabi'in. « وَكَانَ مَشْهُورًا بِالْحُلْمِ » ou « بِالْحِلْمِ » « كَانَ مَشْهُورًا بِالْحِلْمِ » يضرب به المثل في الحلم وكان من المجاهدين في سبيل الله ومن القادة والأمراء وكان محبوبا عند الناس فلما مات شيعوه سقطت قلنسوة رجل من المشيعين له والقلنسوة ما يلبس على الرأس يعني مثل الطاقية تقريبا فأهوى ليأخذها فرأى القبر قد وسعه وهذا مصداقه من الحديث أن المؤمن يوسع له قبره مد بصره وهذا في الحديث الصحيح أما المنافق فيضيق عليه فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه الله المستعان. Donc le cheikh il explique que Al-Ahnaf ibn Qays al-Tamimi, il est parmi les tabi'in. Il était quelqu'un de célèbre pour son comportement, sa douceur, sa patience, son calme. C'était quelqu'un qui était posé. Hein? Et il fait partie des gens qui luttaient dans le sentier d'Allah, qui faisaient le djihad. Il faisait partie aussi des chefs d'armée, parmi les chefs de l'armée. Et les gens l'aimaient beaucoup. Hein? Et lorsqu'il est mort, les gens qui ont porté son corps jusqu'à l'endroit pour l'enterrer, parmi eux, il y en a un qui avait fait tomber son chapeau dans la tombe. Hein? Alors, colonne soit, c'est qu'est-ce qu'on porte sur la tête, comme taqiyya. Ça, on appelle taqiyya. OK? Il y a plusieurs noms pour ça, mais un des noms qu'on appelle, c'est taqiyya. Donc, il a fait tomber ça dans la tombe. Et quand il s'est penché pour le ramasser, il a vu que tout d'un coup, la tombe est devenue vaste. Et ça correspond à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique. Lorsque le croyant est dans sa tombe, elle est élargie pour lui la distance du regard. Et tandis que l'hypocrite, sa tombe, elle est écrasée, rétrécie sur lui, jusqu'à ce que ses côtes, elles s'écrasent les unes dans les autres. À cause de sa tombe s'écrase sur lui. Et ça, c'est rapporté dans le hadith selon Abi Daoud. C'est le hadith rapporté par Abu Daoud selon Al-Bara ibn Azib. وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفُ فِيهِ أَضْلَاعُهُ. نعم. Ensuite, un autre exemple, le Cheikh, il dit, Ibrahim al-Taymi, يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فلما فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء يعني فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا Donc ici, le cheikh, il parle d'un autre parmi les ulama, ou bien parmi les salihin, les gens pieux. Et c'est Ibrahim al-Taymi, Ibrahim ibn Yazid al-Taymi, qui est un adorateur, un pieux, un homme pieux. Il est mort en l'an 92, après la Hijra. Et on dit de lui que parfois, il restait longtemps sans manger. Un mois, deux mois, il ne mangeait rien. Et il mentionne ici que une fois, il est sorti pour chercher de la nourriture pour sa famille et il n'a pas trouvé. Naam. Après, il est passé près de bisahlatin hamra. Sahlatin hamra, c'est peut-être quelque chose qu'il a trouvé comme quelque chose qui pousse, une plante qui pousse ou quelque chose comme ça. Il l'a pris, il l'a amené chez sa famille. C'est peut-être quelque chose aussi qu'il a trouvé, un objet, parce que je ne sais pas exactement la signification. Mais il a trouvé ça, il l'a ramené chez lui. Puis quand il l'a ouvert à l'intérieur, il a trouvé des graines rouges. Alors il les a plantées, et qu'est-ce qui a poussé? C'était des épis, et dans chaque épi, il y avait rempli de grains. C'était rempli de grains. Donc, pour dire que, il a trouvé ces choses-là, qu'il avait rien trouvé à manger, mais il a trouvé ces graines, et il a fait pousser ça, et ça lui a donné beaucoup de nourriture. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, Ibrahim al-Taymi, al-imam al-mashhur, al-zahid, al-wa'id, al-baligh, waqa'a lahu min karamat al-awliya'i, annahu kana yasbiru ala al-ta'am limuddati shahrayn, bima yu'tihi Allahu min al-quwati wal-ladhati fi ibadati Allahi azza wa jal. وأيضا خرج ليمتار لأهله يعني يشتري لهم ميرة يعني الطعام ولم يكن معه نقود فلم يشتري شيئا سبحان الله مر برملة حمراء يعني فملأ أوعيته منها من أجل أن يظهر أمام الناس أنه جاء بشيء فلما فتحوها وجدوها حنطة حمراء يعني قلبها الله وكانت متراكبة بحيث أن إنه إذا زرع منها هذه الحنطة تخرج القصبة كلها حب حنطة فهذا من كرامات الأولياء. Donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Donc c'était un homme pieux, Ibrahim al-Taymi. Il est connu, il est célèbre. Et c'est quelqu'un qui faisait aussi des exhortations, il donnait le rappel, il faisait le rappel aux gens. Et il était connu comme étant un homme pieux. Et parmi les karamates de cet homme pieux, c'est qu'il était capable d'endurer la faim pendant très longtemps. Même deux mois, parfois, il restait sans manger. Allah lui avait donné de la force et en même temps, il prenait plaisir d'adorer Allah. Il avait du plaisir dans l'adoration d'Allah. Alors, un jour, il est sorti pour aller acheter de la nourriture pour sa famille, mais il n'a pas d'argent. Alors, c'est ça le problème, il n'a pas d'argent pour acheter rien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à côté de quelque chose, c'est comme du sable rouge. C'est ça l'explication que le cheikh Al-Fawzan il a donnée. Il a trouvé du sable rouge, de la terre rouge. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un contenant, il a mis la terre rouge dedans. Quand il est rentré chez lui, donc lui, pourquoi il a mis du sable rouge dans son contenant? C'est pour montrer aux gens qu'il est revenu avec quelque chose. Pour que les gens disent pas, regardez lui, il est revenu, il a rien acheté. Donc il est revenu avec du sable rouge, il a mis ça dans son contenant, il est rentré chez lui. quand il l'a ouvert, il a trouvé que le sable roche est devenu des graines. Alors qu'à la base, c'était du sable. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait transformé ce sable en graines. Et yani, quand il les a plantés, il a dit comme c'est, il a vu que ça devenait des épis avec plein de grains dessus et tout. Donc tout ça, c'est pour dire que c'était une forme de karama, hein, une forme de miracle, de prodige. Il dit un autre exemple aussi, il dit wa kana utba al-ghulam, utbatul ghulam sa'ala rabbahu thalatha khisal. Sautan hasanan wa dam'an ghaziran wa ta'aman min ghayri takallufin. Fakana idha qara'a baka wa abka wa dumu'uhu jariyatun dahra. Wa kana يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. Donc il dit ça, c'est un exemple, un jeune qui s'appelait Utba ibn Aban al-Ghulam al-Zahid al-Khashi'. Et il dit, on le compare avec Hassan al-Basri dans sa tristesse. Donc on l'appelait al-Ghulam à cause de son grand-père, par rapport à l'adoration et non pas par rapport à son âge. Donc on l'appelait le jeune, mais c'est pas un jeune. C'est à cause du nom de son père qu'on l'appelait comme ça. Parce que le Ghulam, ça veut dire un petit garçon. Donc on l'appelait Utbatul Ghulam, pas parce qu'il était un jeune garçon, mais à cause de son grand-père. Alors, ici il dit que cet homme, Utba, il a demandé à Allah trois caractéristiques. La première, c'est d'avoir une belle voix. La deuxième, c'est d'avoir beaucoup de larmes quand il pleure. Et la troisième, c'est de trouver de la nourriture sans difficulté. Alors, quand il récitait le Coran, il avait tellement une belle voix qu'il pleurait à chaque fois et il faisait pleurer tout le monde qui l'entendait. Et ses larmes coulaient, hein, beaucoup, longtemps. Et quand il retournait chez lui, il trouvait dans la maison de la nourriture, il ne savait pas d'où est-ce que ça venait. Hein? Donc, tout ça, c'est des exemples. Et il dit, « Wahada », donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Fahada utbatul al-ghulam, al-abid al-mashhur » والمجاهد في سبيل الله سأل الله هذه الطلبات أن يرزقه الله صوتا حسنا فكان صوته حسنا وإذا قرأ بكى وأبكى وأن يرزقه البكاء من خشية الله فكانت لا تجف له دمعة من خشية الله وسأل الله أن يرزقه رزقا لا كلفة فيه فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى بَيْتِهِ وَجَدَ فِيهِ الطَّعَامِ وَلَا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ وَهَذَا كَمَا حَصَلَ لِمَرْيَمِ ابْنَةُ عِمْرَانِ بنت عمران فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَهُ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كذلك ما حصل لخبيب ابن عدي في مكة وهو أسير عند المشركين وكان يوجد عنده العنب ومع أن مكة ليس فيها عنب لكن هذه من كرامات الأولياء. Donc le cheikh il donne un autre exemple. Il dit que donc cet homme Utba, c'était un adorateur célèbre qui luttait dans le sentier d'Allah. Et il a demandé trois choses à Allah. Premièrement, une belle voix. Allah lui a donné une voix tellement belle que quand il récitait, il pleurait et il faisait pleurer tout le monde. Et Allah lui a donné le fait de pleurer par la crainte d'Allah. Donc ses yeux étaient jamais sèche de ses larmes par la crainte d'Allah. Et il demandait à Allah aussi que Allah lui donne sa subsistance sans difficulté. Alors quand il rentrait chez lui, il trouvait de la nourriture, il ne savait pas d'où est-ce que ça venait. Et ça, c'est comme l'exemple de ce qui arrivait aussi à Mariam, la mère de Isa alayhi salam, lorsque Zacharia rentrait dans l'endroit où elle s'était isolée pour adorer Allah. Il trouvait auprès d'elle de la nourriture tout le temps. Alors il lui disait, Ô Mariam, d'où est-ce que tu as trouvé cette nourriture? Et elle dit, cela vient d'Allah. Il donne la subsistance à qui il veut sans calculer. C'est le verset 37 dans Sourate Al-Imran. De même que la même chose est arrivée aussi à Khabib ou Khoubaib. Hein? Khoubaib ibn Adi. Khabib ou Khoubaib, je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est un compagnon à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait été fait prisonnier par les mouchriquines. Et les mouchriquines étaient contents de l'avoir attrapé parce qu'il avait, il avait tué un de leurs proches pendant la guerre de, pendant la bataille de Badr. Alors, ils ont dit, ah, on l'a attrapé, maintenant on va le tuer. Alors, pendant qu'ils l'ont emprisonné pendant un certain temps, à chaque jour, hein, à chaque jour, il trouvait auprès de lui des raisins. Des raisins, yani. Alors qu'ils disent qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de raisins à Mecque. D'où est-ce qu'il trouvait des raisins? On dit ça, c'est parmi les miracles, les karamates. Même qu'on dit que ce compagnon était tellement pieux que lorsque, par exemple, l'enfant de ces mouchrikines-là était venu auprès de lui, et je ne sais pas s'il avait un couteau ou quelque chose, et quand la femme, elle a vu l'enfant avec lui, et lui, il a un couteau dans ses mains, elle a eu peur. Il a dit, n'aie pas peur, je vais rien faire à cet enfant. Et quand c'était le temps de mourir, et quand ils allaient le tuer, elle a dit, laissez-moi faire rak'atayn. Alors il a fait rak'atayn, et après ils l'ont tué. Et les ulama ont dit, c'est lui qui a établi la sunna de prier rak'atayn avant de mourir. Naam. C'est-à-dire, Khoubaib ibn Adi. Naam. Donc, c'est des exemples de karamat. Karamat. Al-Awliya, ça veut dire, les Awliya, c'est les serviteurs d'Allah, les rapprochés d'Allah, les pieux. Et les karamat, c'est des prodiges ou des miracles que ces gens-là font. Et quand c'est un prophète qui fait un miracle, quand c'est un prophète qui fait quelque chose qui est yani hors de l'ordinaire ou qui est quelque chose qui est hors de l'ordinaire, on dit que ça, c'est un miracle. Si c'est un homme pieux qui suivait un prophète, on dit que c'est une karama. On ne dit pas que c'est un miracle, en arabe, on dit le miracle, c'est mu'jiza. Mu'jiza, c'est le miracle. Karama, c'est le prodige. C'est ce que fait un homme pieux qui est venu après le prophète. Hein? On l'appelle karama. Et je pense que là, ici, le cheikh, il a mentionné le dernier exemple, parce que je vois que par la suite, là, il ne mentionne pas d'autres exemples. Donc, c'est ça. On va lire ce dernier point, puis après, on va s'arrêter, inshallah. Le cheikh, il dit, « Wa kana Abdul Wahid ibn Yazid, ibn Zayd, asabahu al-falij. » فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده. سبحان الله. Regardez cette histoire. C'est l'histoire de Abdul Wahid ibn Zayd. Et Abdul Wahid ibn Zayd, al-Zahid al-Qudwa, sa kunya c'est Abu Ubaida al-Basri. Il est mort en 197 après la Hijra. Lui, il a été frappé par une maladie qui s'appelle al-Falij. Et c'est quoi cette maladie-là? C'est une maladie qui te paralyse les membres. Tu ne peux plus bouger. Tes jambes, tes bras, tes pieds. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un doigt à Allah et lui demandait de lui débloquer ses membres juste pour le moment de faire le wudu. Alors, au moment de faire le wudu, ses membres ils se débloquaient. Puis, il redevenait paralysé après. Subhanallah. Il dit « وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ قَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ » Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, et ça c'est un sujet qui est vaste, et il dit, on a parlé de plus en détail des karamat al-awliya dans d'autres endroits, c'est-à-dire dans d'autres livres. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit, أصابه الفالج الفالج داء يصيب الجسم أو الأعضاء فلا تتحرك فأصابه فسأل الله أن يطلق له أعضاءه ليتوضأ لعبادة الله وللطاعة فاستجاب الله له فكانت أعضاؤه تنطلق عند الوضوء فقط ثم تعود إلى حالتها. Donc c'est ça. Lui, c'est un homme qui était paralysé. Et quand venait, il a demandé à Allah, « Oh Allah, fais que je sois capable de bouger pour faire mon wudu, pour adorer Allah, hein, pour qu'il puisse adorer Allah. » Et Allah l'a exaucé, il a été capable de bouger ses membres uniquement pour la salade. Et quand il avait fini, il redevenait paralysé encore. Et le cheikh, ensuite il dit, وَذَكَرَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ كَرَمَاتِ الْأَوْلِيَاءِ شَيْئًا كَثِيرًا وَأَحَالَ عَلَى الْإِسْتِيفَاءِ وَالْإِسْتِقْصَاءِ فِيهَا إِلَى كُتُبٍ أُخْرَى مُعَيَّنَةٍ بِهَذَا الشَّيْءِ وَمِنْهَا كُتُبُهُ وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا جُمْلَةً كَثِيرَةً وهذا باب ثابت عند أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء لا ينكر كرامات الأولياء إلا المبتدعة أما أهل السنة والجماعة فإن من أصول عقيدتهم الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وهذا شيء ثابت. يعني سأل سائل هل هذه الكرامات لها أسانيد صحيحة؟ والجواب يكفي أننا نعلم أن كرامات الأولياء والإيمان بها أصل من أصول العقيدة لا شك فيها بالجملة أما التفاصيل فلا تحتاج إلى أسانيد لأنها ليست أحاديث يبنى عليها أحكام شرعية من الحلال والحرام وليست أحاديث وإنما هي وقائع إن تثبت أو إن ثبتت فهي كرامات وإن لم تثبت فلا يضر هذا عدم ثبوتها لا ينقص الدين شيئا لكنها إذا ثبتت فإنها تزيد في الإيمان وتزيد الإيمان تزيد في إيمان العبد وتذكره بالله عز وجل. Donc ça c'est un point important. Le cheikh il explique Ibn Taymiyyah que les karamat des awliya, il en a mentionné beaucoup et il a renvoyé les gens à chercher plus de détails dans d'autres livres à lui ou d'autres livres écrits par d'autres savants. Et il y en a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce sujet-là par les savants. Et l'important ici, c'est de savoir que ce sujet-là fait partie des sujets qui font partie des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire de croire en l'existence des karamat des hommes pieux. ça fait partie des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, de reconnaître que cette chose-là, elle est vraie. Et donc, ça fait partie des fondements de la aqida des gens de la Sunna, de croire aux miracles des prophètes et aux karamat des hommes pieux. Et ça, c'est une chose qui est confirmée. Et quelqu'un a posé la question, est-ce que ces miracles ou ces karamat qui ont été mentionnés, elles sont rapportées avec des chaînes de transmission authentiques, oui ou non? Alors, le cheikh, il répond à cette question-là et il dit, c'est suffisant de savoir qu'il y a des karamat pour les awliya et que ça fait partie des fondements parmi les fondements de la aqidah. Et nous, de façon générale, on n'a pas de doute que cette chose-là est vraie et que ça existe. En ce qui concerne les détails des karamat, on n'a pas besoin des chaînes de transmission pour ça. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lesquels on peut baser des règles de qu'est-ce qui est halal ou de qu'est-ce qui est haram ou des principes de la religion. Parce que ce ne sont pas des hadiths, ce sont seulement des événements qui se sont produits et qui ont été mentionnés. Si elles sont authentiques, ces événements-là, alors c'est des karamates. Et si elles ne sont pas authentiques, ça ne nous fait pas de tort. Ça ne nous fait pas de tort. Parce qu'il n'y a rien qui est affirmé par cela dans les règles de la religion, dans les principes de la religion. Donc, le fait que ces histoires ne soient pas authentiques, ça ne diminue en rien notre religion, en quoi que ce soit. Mais si elles sont authentiques, eh bien, ça augmente notre foi. Ça augmente la foi du serviteur et ça lui rappelle d'Allah. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته